livre ouvert. Je n'en crois pas mes yeux, tout m'apparaît plus clair. Je me réveille enfin dans la réalité. Un beau tableau, voilà ce que mamie voyait. Un beau tableau, on ne l'explique pas, même avec de grands mots. L'amour est toujours nu, comme la vérité. Moi, j'ai du soleil plein la maison, puisque l'amour est dans mon cœur. Et comment cacher une passion lorsqu'on explose de bonheur? Moi, je volerai dans les chansons les mots qu'il faut. Que je vis enfin un grand amour, voilà ce qui m'attend demain pour mon retour. Merci mon Dieu que tant de joie tombe sur moi. Moi, je vis soleil près de la maison, puisque l'amour est dans mon cœur. Et comment cacher une passion lorsqu'on explose de bonheur? J'ai besoin de le crier.